La Fonoteca, el teu espai de novetats discogràfiques amb Rafael Corbí. Arrastrando los pies al caminar cuando nadie nos mira. Y disfrutamos cogiendo las sobras que otros nos dan. Sin más, sin importarnos para nada cómo nos miran. Vamos a andar sin mirar atrás, tratando de no ocultar jamás el placer que nos da trepar los árboles que hay detrás del colegio que tan buenos tiempos nos quiso brindar. Vamos a andar sin mirar atrás, tratando de no ocultar jamás el placer que nos da trepar los árboles que hay detrás del colegio que tan buenos tiempos nos quiso brindar. Y así sonreír. Estem a través de Musicòpolis, és la capital de la música, i aquí et presentem aquestes novetats en discogràfiques, com és el cas de Flying Pig Matanzas, i aquesta cançó que acabes de sentir mitjançant el nostre espai. Sempre et portem cançons diferents i estils diversos, com per exemple el que ve a continuació. No me digas más que no, no, no. escoltat els temes que us comentàvem a través de Musicòpolis amb el nostre començament, amb Flying Pig Matanza i els Bejar a Jugar, i també amb Salvaje Montoya, Cataratas en Montserrat. Dos temes destacats als Estats Units és aquest de Florida Georgia Line, Drowned Here. I'm dog-tired by the 5 o'clock hour, but I'm ready to raise some hell. Jesse's getting ready, I'm gassing up the Chevy. I'm gonna pick her up at 6, I hope she's gonna wear them jeans with a tear that her mama never fixed. The moon comes up and the sun goes down, we find a little spot on the edge of town. Twist off, sip a little, pass it around, dance in the dust, turn the radio. Sun goes down, we find a little spot on the edge of town. Twist off. Gaudint de les cançons que us presentem a través de Musicopolis, Savici, aquest extraordinari productor i DJ, a través del seu àlbum True, ens conduïa la cançó anomenada Hope There's Someone. I també des de la França, Sébastien Patoche ens portarà l'Epanart. Aquesta és una de les cançons que trobem amb el seu àlbum del 2013, J'aime Merde Les Bobos. Quand Newman, le Malibu, c'est le Panama. La bûche glacée, le salon de l'auto, c'est le Panama. Le vent Mika et les pompes en croco, c'est le Panama. Panama, Panama, Panama, Panama. C'est le Panama. C'est le Panama. C'est le Panama. C'est le Panama. C'est le Panama. La novetat discogràfica ens la porta ara Walkie Fast i Axel Saez. La cançó es diu Chica Mala. Fuego lento y ahora disfrutar a la pista. Let's take a walk, rock and smile. Maybe do something we ain't done in a while. Do a dance, sing a song. Probably say goodbye for what we're doing later on. So come on, come on, love, hold my hand. The world's giving us a chance. I say the world's giving us a chance. Oh, oh. Hey! The love is what we make of it. It's a small event if you're faking it. I can make a promise at the glass we'll stay half full. Together we're a beautiful soul. Cause I can never do it on my own. I can never do it alone. Take a left, avoid the cold. Two traffic lights and then we're home. Open the door, step inside. Look into my eyes, I'll let your heart beat it tight. So come on, love, hold my hand. Hold on to this wall like you know we can. Look into my eyes and you'll understand. Look into my eyes and hold my hand. Cause love is what we'll make of it. It's a small event if you're faking it. I can make a promise that the glass will stay up for. Together we're a beautiful soul. Cause I can never do it on my own. Que porta Maudé amb aquest Love is what you make of it, l'amor és el que facis d'ell. I abans amb Wacky Bass i Axel Saez i el seu xic Amal amb el món de la música ballable Musicòpolis, et proposem ara aquest tema Animals de Martin Garrix. tancat en aquest segment de Musicòpolis en la presentació de temes com aquest de Martin Garrix i aquest Animals amb la versió radiofònica, o el de Kin B baixa, no sé com s'ha de dir ell en francès o com el pronuncien en anglès, però així és com se'ns presenta. Quitte moi és el tema que també us presentem com a novetat del Angel O The Moon, Angel O The Moon. Je vois pas pourquoi je devrais ranger alors célibataire je ne le faisais pas. Non non, je vois pas pourquoi je ferais à manger alors qu'en deux minutes je commande une pizza. Je vois pas pourquoi. Non, je vois pas pourquoi. Je ne te fais pas le bébé que tu veux, ça je te l'ai déjà dit. N'ai pas envie que ta salle de jeu se transforme en une nurserie. J'inviterai mes potes fouteux à mater un match quand j'en aurais envie. Et je continuerai à sortir avec eux le vendredi et le samedi. Même peut-être le dimanche aussi, hein. Alors si ça te convient pas. Bébé, quitte-moi. La la la la la la la la. Parce que je ne changerai pas. La la la la la la la la. Oh baby, quitte-moi. La la la la la la la la. Parce que je ne changerai pas. Ni pour toi, ni pour qui que ce soit. Après tout, je suis comme ça. Et que tu regardes plus belle la vie. Tu râles quand j'allume la console pour jouer à Call of Duty. J'irai voir mes potes quand tu regarderas Grey's Anatomy. Mais ne compte pas sur moi pour rentrer avant minuit. Je n'essuierai pas la coupe des toilettes. Je ne ramasserai pas mes chaussettes. Je continuerai à rire quand je pète. À sortir faire la fête, je répondrai pas quand tu m'appelleras. Pour savoir où je suis, où je suis pas. Je fais péter les plombs car j'aime ça. Oh oui, j'aime ça. Alors si ça te convient pas. Bébé, quitte-moi. La la la la la la la la. Parce que je ne changerai pas. La la la la la la la la. Oh baby, quitte-moi. La la la la la la la la. Parce que je ne changerai pas. Ni pour toi, ni pour qui que ce soit. Après tout, je suis comme ça. Dans un couple, faut faire des concessions. Mais moi, je ne suis qu'un concessionnaire. On ne peut pas aller en concession pour changer de femme quand on changerait de voiture. Alors accepte-moi comme je suis, avec mes défauts et mes qualités. Et suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est la triste réalité. Donc si ça te convient pas, bébé, quitte-moi. La la la la la la la la. Parce que je ne changerai pas. La la la la la la la la. Oh baby, quitte-moi. La la la la la la la la. Parce que je ne changerai pas. Ni pour toi, ni pour qui que ce soit. Oh baby, quitte-moi. La la la la la la la la. Parce que je ne changerai pas. La la la la la la la la. Comme ça.